L'amie prodigieuse de Elena Ferrante. Traduit de l'italien par Elsa Damien. Premier épisode, la disparition. Ce matin, Rino m'a téléphoné. J'ai cru qu'il voulait encore de l'argent et je me suis préparée à le lui refuser. Mais le motif de son appel était tout autre. Lino, maman a disparu. Ça fait combien de temps ? 15 jours. Et c'est maintenant que tu m'appelles ? Oui. Je savais pas. Elle doit être quelque part, en vadrouille, dans Naples. Même la nuit ? Tu sais comment elle est. D'accord, mais 15 jours d'absence, tu trouves ça normal ? Oui. Ça fait longtemps que tu l'as pas vue. C'est encore pire. Elle a jamais sommeil, elle va, elle vient, elle fait tout ce qui lui passe par la tête. Quel bon fils. Un gros bonhomme sur la quarantaine qui n'avait jamais travaillé de sa vie. Il n'avait fait que trafiquer et gaspiller. Je suis allé voir tout le monde. Il n'avait pas de cervelle et rien ne lui tenait à cœur hormis sa propre personne. Je suis allé à l'hôpital hier. Ils savent rien et personne ne sait où elle est. Je suis même allé chez les flics. Elle serait pas chez toi ? Ta mère, ici à Turin. Elle est pas chez moi, non. T'es sûr ? Rino, s'il te plaît, je te dis qu'elle n'est pas là. Mais elle est où, alors ? S'il te plaît, comporte-toi comme elle le voudrait, pour une fois. Ne la cherche pas. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Tu m'as entendu, c'est inutile. Apprends à vivre tout seul, et ce n'est pas la peine de me chercher non plus. La mère de Rino s'appelle Raffaella Cerullo. Mais tout le monde l'a toujours appelée Lina. Pas moi. Je n'ai jamais utilisé ni ce premier, ni ce deuxième prénom. Depuis plus de 60 ans, pour moi, elle est Lila. Si je l'appelais Lina ou Raffaella, comme ça, d'un coup, elle penserait que notre amitié est finie. Cela fait au moins 3 décennies qu'elle me répète vouloir disparaître sans laisser de traces. Elle n'a jamais eu à l'esprit de fuguer, de changer d'identité ou de refaire sa vie ailleurs. Et elle n'a jamais pensé au suicide. Dégoûtée à l'idée que Rino se retrouve avec son corps et soit obligée de s'en occuper. Son intention a toujours été différente. Elle voulait se volatiliser, disperser chacune de ses cellules et qu'on ne retrouve plus rien d'elle. Et comme je la connais bien, ou du moins je crois la connaître, je parie qu'elle a trouvé un moyen de ne pas laisser la moindre trace dans ce monde. Ni un cheveu, nulle part. J'ai ouvert mes tiroirs et les boîtes en métal dans lesquelles je conserve des souvenirs de toutes sortes. Bien peu de choses. J'ai découvert que je n'ai rien d'elle. Pas une photo, pas un message, pas un petit cadeau. Est-il possible qu'en tant d'années, elle ne m'ait rien laissé ? Ou pis encore, que je n'ai rien voulu garder d'elle ? Oui, c'est bien possible. Cette fois, c'est moi qui ai téléphoné à Rino. Allô ? À contre-cœur. Tu as des nouvelles, Rino ? Non. Et toi ? Aucune. Je crois que j'ai une idée. Je voudrais aller à la télé. Tu sais l'émission là où ils font revenir les gens disparus. Qu'est-ce que t'en penses ? Ça pourrait être une bonne idée, non ? Tu as regardé dans son armoire ? Pourquoi faire ? Va voir. Il y est allé et s'est rendu compte qu'il n'y avait rien. Pas même un vêtement de sa mère d'été ou d'hiver. Ses chaussures avaient disparu. Ses quelques livres aussi. Disparu toutes les photos, disparu les films, disparu son ordinateur. Même les vieilles disquettes qu'on utilisait autrefois. Tout. La moindre trace de ses activités de fée de l'électronique. Elle qui avait fait ses premières armes avec les ordinateurs dès la fin des années 70, à l'époque des fiches perforées. Rino était stupéfait. Il n'y a plus rien. Tout est vide. Bon, prends tout le temps que tu veux et ensuite appelle-moi pour me dire si tu as trouvé la moindre chose qui lui appartienne. Il n'y a rien. Rien du tout ? Non. Elle a découpé son image sur toutes les photos où on était ensemble. Même celle de quand j'étais petit. Tu as bien regardé ? Partout. Même à la cave ? Partout, je t'ai dit. Même la boîte qui contenait ses papiers officiels a disparu. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quelqu'un a tout volé ? Non. Mais qu'est-ce qu'ils cherchent? Mais qu'est-ce qu'ils nous veulent à ma mère et moi? Du calme, Rino. Personne veut quoi que ce soit à ta mère et toi. Je peux venir quelques jours chez toi? Non. S'il te plaît. Non. Mais j'arrive pas à dormir. Débrouille-toi, Rino, j'y peux rien. J'ai raccroché. Et quand il m'a rappelé, je n'ai pas répondu. Je me suis assise à mon bureau. Lila va trop loin, comme d'habitude. Non seulement elle voulait disparaître elle-même, maintenant à 66 ans, mais elle voulait aussi effacer toute la vie qu'elle laissait derrière elle. Je me suis sentie pleine de colère. Voyons qui l'emporte cette fois. J'ai allumé mon ordinateur et j'ai commencé à écrire notre histoire dans ses moindres détails. Tout ce qui me restait en mémoire. Je me rappelle la lumière mauve de la cour et les odeurs d'une douce soirée de printemps. Nos mères préparaient le dîner et c'était l'heure de rentrer, mais nous nous attardions, occupés à mettre notre courage à l'épreuve, par défi et sans jamais nous adresser la parole. Depuis quelque temps, à l'école et en dehors, nous ne faisions que cela. Lila glissait la main, puis tout le bras dans la gueule noire d'une bouche d'égout. Et juste après, je faisais de même, le cœur battant, espérant que les cafards ne me couraient pas sur la peau et que les rats ne me mordraient pas. J'y vais en première. Lila grimpait jusqu'à la fenêtre de Madame Spagnolo, au rez-de-chaussée, se pendait à la barre de fer où passait le fil à linge, se balançait et puis se laissait glisser jusqu'au trottoir. Et moi, je le faisais aussitôt à mon tour, même si j'avais peur de tomber et de me faire mal. Lila s'enfonçait sous la peau l'épingle de nourrice rouillée qu'elle avait trouvée dans la rue je ne sais quand, mais qu'elle gardait dans sa poche comme si c'était le cadeau d'une fée. Moi, j'observais la pointe de métal qui creusait un tunnel blanchâtre dans sa paume. Puis quand elle l'enlevait et me la tendait, je faisais pareil. Lenou, viens, suis-moi. Va où? Viens, je te dis. Lila se dirigea vers l'immeuble où habitait Don Achille. La peur me figea le sang. Don Achille, c'était l'ogre des contes. Et j'avais interdiction absolue de l'approcher, lui parler, le regarder ou les pieds. Il fallait faire comme si sa famille et lui n'existaient pas. Non, on va pas chez Don Achille. Il était craint et haï dans ma famille, mais pas seulement, sans que je sache d'où ça venait. C'était un être fait de je ne sais quelle matière, fer, verre ou ortie, mais vivant. Vivant avec un souffle brûlant qui lui sortait par le nez et la bouche. Je croyais que si je le voyais, ne serait-ce que de loin, il me planterait dans les yeux quelque objet acéré et chauffé à blanc. Et si j'avais la folie de m'approcher de la porte de son appartement, là, il me tuerait. J'attendis un peu pour voir si Lila changeait d'avis et faisait volte-face, mais pas du tout. Les lampadaires n'étaient pas encore allumés, et la lumière dans les escaliers non plus. Alors, tu viens? T'as peur ou quoi? Non. Pour suivre Lila, il fallait que je quitte la lueur bleutée de la cour et que je pénètre dans le noir du hall d'entrée. Traîne pas, c'est au dernier étage. Oui, j'arrive. Mais allez, oh, t'es lente. Eh ben, ça tombera un autre jour. Ah, c'est pas possible, c'est toujours comme ça. Eh ben, ça sera comme ça encore une fois. Bah, comme je vais les payer, les bénéficiaires, moi. Bon, tu te tais ou quoi? D'accord, on fait comme ça, on mange pas. D'accord, on mange les... Ça retourne dans la cuisine. Je tremblais. Chaque bruit de pas et chaque éclat de voix, c'était Don Achille qui arrivait dans notre dos ou bien qui venait vers nous avec un grand couteau de ceux qu'on utilisait pour ouvrir le ventre des poules. On sentait une odeur d'ail frit, Marie, la femme de Don Achille, allait me mettre dans sa poêle avec de l'huile bouillante, leurs enfants me mangeraient et lui me suceraient la tête comme mon père le faisait avec les rougets. T'es sûre que c'est une bonne idée ? Mais oui, allez. Nous nous arrêtâmes souvent. Et à chaque fois, j'espérais que Lila se déciderait à faire demi-tour. Quel trouillage, franchement. J'étais trempée de sueur. Elle, je ne sais pas. Nous montions lentement vers la plus grande de nos terreurs de l'époque. Nous allions affronter notre peur et la regarder en face. À la quatrième volée de marche, Lila eut un comportement inattendu. Elle s'arrêta pour m'attendre. Et quand je la rejoignis, elle me donna la main. Ce geste changea tout entre nous et pour toujours. C'était sa faute. À une époque pas tellement lointaine, 10 jours ou 1 mois auparavant, je n'en sais rien puisque nous ignorions alors tout du temps, elle s'était emparée de ma poupée par traîtrise et l'avait jetée au fond d'une cave. Quand on est au monde depuis peu de temps, il est difficile de comprendre quels sont les désastres à l'origine de notre sentiment du désastre. Les grandes personnes, en attente du lendemain, évoluent dans un présent derrière lequel il y a hier, avant-hier ou tout au plus la semaine passée. Elles ne veulent pas penser au reste. Les petits ne savent pas ce que cela veut dire hier, avant-hier, ni même demain. Pour eux, tout est ici et maintenant. Ici, c'est cette rue, c'est cette porte, ces escaliers. Ici, c'est cette maman, ce papa, ce jour et cette nuit. Moi, j'étais petite et en fin de compte, ma poupée en savait plus long que moi. Je lui parlais et elle me parlait. Ma poupée avait un visage, des cheveux et des yeux en celluloïde. Elle portait une petite robe bleue que lui avait cousue ma mère dans un de ses rares moments heureux. Et elle était très belle. La poupée de Lila, en revanche, avait un corps en chiffon jaunâtre rempli de sciure et je la trouvais laide et crasseuse. Toutes deux ses pieds se soupesaient, toujours prêtes à se blottir dans nos bras si un orage éclatait, s'il y avait du tonnerre ou si quelqu'un de plus grand, de plus fort, aux dents plus aiguisées voulait s'emparer d'elle. Nous jouions dans la cour, mais en faisant comme si on ne jouait pas ensemble. Lila ramassait un caillou ou un bouchon de limonade et le mettait sur la tête de Nou, sa poupée. Je renchérissais et ramassais une petite fleur ou un clou. C'est la plus belle. Et oui, Nou, tu es la plus belle. Sina, mets ta couronne de reine. Sinon, tu vas attraper froid. Tu vois ton reflet dans ce petit morceau de verre ? Comme tu es jolie. Ce qui nous attirait le plus, c'était l'air froid qui montait de la cave. Un souffle qui nous rafraîchissait au printemps et en été. Nous aimions bien aussi les barreaux avec les toiles d'araignée, l'obscurité, le grillage épais qui, rougi par la rouille, s'enroulait de mon côté et aussi du côté de Lila, créant 2 fentes parallèles par lesquelles nous pouvions lâcher les cailloux dans le noir et écouter le bruit qu'ils faisaient en touchant terre. On jette des cailloux. En ce temps-là, tout était beau et inquiétant. Tu vois quelque chose ? Non. Et toi ? Par ces ouvertures, l'obscurité pouvait soudain avaler nos poupées, qui parfois se trouvaient en sécurité dans nos bras, mais qui le plus souvent étaient posées exprès à côté du grillage tordu et donc exposées au souffle froid de la cave et au bruit menaçant qui en provenait. Nous et Tina n'étaient pas heureuses. Les terreurs que nous goûtions jour après jour étaient les leurs. Nous ne faisions pas confiance à la lumière qui éclairait les pierres, les immeubles, la campagne, les gens dehors et chez eux. Nous devinions qu'elle dissimulait des angles noirs, des sentiments réprimés mais toujours à la limite de l'explosion. Et nous attribuions à ces bouches sombres et aux cavernes qui, derrière elles, s'ouvraient sous les immeubles du quartier, tout ce qui nous effrayait à la lumière du jour. Don Achille, par exemple, n'habitait pas seulement dans son appartement au dernier étage, mais aussi là-dessous, araignée parmi les araignées, rat parmi les rats. Qu'est-ce que c'est ? Ça doit être des rats. Des rats ? Je l'imaginais, la bouche ouverte, toujours prêt à recueillir dans son énorme sac noir tout ce que nous laissions tomber par les angles abîmés du grillage. Ce sac était un attribut fondamental de Don Achille. Il le portait toujours, même chez lui, et y mettait ce qui était aussi bien mort que vif. Tina, tu as chaud ? Bois de la rosée. Tina, ma pauvre petite poupée, ne t'aventure jamais seule dans la cave. Sinon, tu finiras au fond du sac tout noir de Donatil. Lila connaissait ma terreur. Tu me la prêtes ? D'accord, mais tu me prêtes la tienne. D'accord. À peine eut-elle en main Tina qu'elle la poussa de l'autre côté de la grille et la laissa tomber dans l'obscurité. J'éprouvais une douleur insupportable. Je tenais à ma poupée comme à ce que j'avais de plus précieux. Je savais que Lila était une gamine très méchante, mais je ne me serais jamais attendue à ce qu'elle me fasse un coup aussi cruel. Pour moi, ma poupée était vivante et la savoir au fond de la cave me jeta dans le désespoir. Mais en cette occasion, j'appris un art dont je devins par la suite experte. Je retins mon désespoir. Je le retins sur le bord de mes yeux humides. Tu t'en fiches ? Je ne répondis rien. J'éprouvais une douleur extrêmement violente, mais je sentais que la douleur de me fâcher avec elle serait plus forte encore. Je ne dis rien. Je me contentais de jeter dans la cave la poupée qu'elle venait de me donner. Tu vois, moi aussi je suis capable de te faire comme toi. Maintenant, tu vas me la chercher. Si tu vas chercher la mienne. D'accord. Dans l'entrée de l'immeuble, il y avait une petite porte qui conduisait aux caves. Nous la connaissions bien. Tous les enfants étaient tentés, mais en même temps terrorisés par la possibilité de forcer cette petite porte juste assez pour pouvoir passer de l'autre côté. C'est ce qu'on fit. Une fois à l'intérieur, Lila d'abord et moi derrière, nous descendîmes des marches en pierre jusqu'à un endroit humide. Qu'est-ce que c'est ? C'est rien. J'avais peur. J'essayais de suivre Lila qui avait l'air en colère et allait tout droit à la recherche de sa poupée. J'avançais à tâtons. Je fus très effrayée par une espèce de visage flasque aux grands yeux de verre dont le menton s'allongeait en forme de boîte. Lila, là un monstre. Je le vis accroché sur un petit moine en bois avec son expression désolée. Elle s'approcha lentement de l'objet en me tournant le dos, tendit une main précautionneuse et l'enleva du moine. Puis elle se tourna. Elle avait mis le visage aux yeux de verre sur le sien et maintenant elle avait un visage énorme aux orbites rondes sans pupilles, privé de bouche, avec ce menton noir en galoche qui pendait sur sa poitrine. Ce n'est qu'un masque, un masque à gaz. C'est comme ça que l'appelle mon père. On a le même dans le débarras à la maison. Je me calmai. Lila regarda autour d'elle et repéra l'ouverture d'où nous avions fait tomber Tina et nous. Nous nous approchâmes du mur rugueux et granuleux et regardâmes dans l'ombre. Ils sont pas là. Elles sont pas là. Elles sont pas là. Et Lila fouillait par terre avec ses mains, ce que moi je n'avais pas le courage de faire. Ah là, voilà. Oh non, c'est une vieille page de journal roulée en boue. Regarde là-bas dans le coin, il y a un truc par terre. Non, c'est un vieux sac en toile. Mince, on cherche encore ? Elles sont pas là, je te dis. Lila se dirigea vers la sortie. Alors je me sentis perdue, incapable de rester là toute seule à continuer les recherches, incapable de m'en aller avec elle si je n'avais pas trouvé ma poupée. C'est Donatil qui les a prises. Il les a mises dans son sac noir. À cet instant même, je l'entendis. Donatil. Il rampait, se frottait contre les formes indistinctes des objets. J'abandonnais Tina à son destin et m'enfuis pour ne pas perdre Lila. Aller chez Donatil, c'était interdit. Mais Lila décida de le faire quand même et je la suivis. Ce fut même cette occasion qui me convainquit que rien ne pouvait l'arrêter et que chacune de ses désobéissances débouchait sur des prodiges à couper le souffle. Lila, je veux pas y aller. Mais si, c'est rien, n'aie pas peur. Nous voulions que Donatil nous rende nos poupées. C'est pour ça que nous montions les escaliers. Même si à chaque marche, j'étais sur le point de faire volte-face et de retourner dans la cour. Devant la porte d'Onakile, mon cœur battait très fort. Je l'entendais dans mes oreilles, mais je me consolais en me disant que c'était aussi le bruit du cœur de Lila. Lucia, aide-moi à mettre la table. Oui, maman. Après une pause devant la porte, Lila frappa. Oui ? Vous cherchez qui ? C'est Alfonso que vous voulez voir ? Non, c'est Donatil que nous voulons voir. Dis-moi ce qu'il y a. Nous devons lui parler en personne. Entrez. À qui ? Une silhouette trapue apparut dans la pénombre. Son buste était long et ses jambes courtes. Ses bras descendaient jusqu'aux genoux et il avait une cigarette à la bouche dont on voyait la braise. Qui c'est ? La fille du cordonnier, avec la grande des Greco. Don Achille entra dans la lumière et pour la première fois nous le vîmes vraiment. Aucun minéral, aucun scintillement de verre. Je le trouvais laid, mais pas autant que je l'avais imaginé. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Les poupées. Quelles poupées ? Les nôtres. Bon, ici on n'a pas besoin de vos poupées. Vous les avez prises dans la cave. Pinot, c'est toi qui as pris la poupée de la fille du cordonnier ? Non, papa, c'est pas moi. C'est vous qui les avez prises, on vous a vu. Ah, vous m'avez vu. Oui, et vous les avez mises dans votre grand sac noir. Oui, oui. J'ai pris vos poupées et je les ai mises dans mon grand sac noir, c'est ça? Oui. J'eus l'intuition qu'il n'était pas en colère, mais que tout à coup, il se sentait là, comme s'il recevait la confirmation de quelque chose qu'il savait déjà. C'est prêt? J'arrive. Don Achille porta sa grosse et large main à la poche revolver de son pantalon. Nous nous serrâmes très fort la main, nous attendant à ce qu'il en sorte un couteau. Mais c'est un portefeuille qu'il en tira. Il l'ouvrit, regarda à l'intérieur et tendit à Lila de l'argent. Allez-vous les acheter, vos poupées ? Lila attrapa l'argent et me tira par la main. Allez, on y va. Et rappelez-vous que c'est moi qui vous les ai offertes, hein ? Bonsoir et bon appétit. Il t'a donné combien ? 500 lire. 500 lire ? Mario. Oui, donne un faux. Piacere. Ehi, vabbè, tu viste, vabbè. Ma quando ti... Non ce l'ho mai visto, mannaggia. Ma come? Allora? Ma... À suivre. L'amie prodigieuse de Elena Ferrante, traduit de l'italien par Elsa Damien, adapté par Victoire Bourgois. Premier épisode, la disparition. Avec Amira Cazar, Léo Dussolier, Emilia Cazzorzi, Angèle Bertin, Alexis Rangard, Christelle Casiglia, Émile Kohler. Et les voix de Ciro Cesarano, Tony Martone, Fabio Gorgolini, Giulia Masini, Sofia Meinero, Chiara Meinero, Sara Dumanc. Musique originale, Arthur B. Gillette. Conseillère littéraire, Catel Guillou et Emmanuel Chevrière. Bruitage, Céline Bernard. Prise de son, montage et mixage, Julien Douminc et Bastien Varigo. Assistant à la réalisation, Pablo Valero. Réalisation, Sophie Haute-Picon. L'amie prodigieuse est éditée aux éditions Gallimard.